Le comité central du Front démocratique national anti-impérialiste a fait parvenir le 17 courant un message au maréchal Kim Jong-un à l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il. Le message indique notamment « La vie du général Kim Jong-il, reconnu comme le soleil de Sun Gun par l'humanité, était celle d'un grand révolutionnaire, d'un illustre homme politique et du père de la nation qui a conduit à la victoire la cause d'émancipation de la nation et de l'humanité en conduisant la patrie, la nation, l'époque et l'histoire avec l'intelligence géniale et l'éminente direction. » Avec sa politique de Sun Gun invincible, il a défendu parfaitement le socialisme axé sur les masses populaires et développé notre république en puissance politico-idéologique et puissance militaire d'ordre mondial. Le portrait sublime du patriote sans égal et son dévouement patriotique brillent dans tout leur éclat dans l'histoire de notre patrie et de notre nation. Les combattants avant-gardistes et divers milieux patriotiques sud-coréens sont profondément conscients de la dignité nationale infinie d'avoir de génération en génération les grands hommes Paektusan sans pareil dans le monde et sont fermement déterminés à se dévouer pour réaliser la cause de réunification de la patrie suivant la direction du maréchal. Pour l'achèvement de la cause révolutionnaire Chuché et la victoire de l'œuvre de réunification indépendante, nous souhaitons santé au maréchal Kim Jong-un, soleil de la nation et guide de la réunification de la patrie.